Je devrais me faire un mémo et dire que je devrais choisir des génériques un petit peu plus longs à chaque fois, parce qu'en effet, on est des fois beaucoup, même si là, pour une fois de nous, à Bulle de Rêve, on n'est pas si nombreux que ça. Bonjour, bienvenue, donc c'est bien Bulle de Rêve, l'émission 100% animation sur la radio libertaire 100% anarchiste. Donc il y a quelque chose de normal, hein, évidemment, dans cette émission. Je suis très content de vous retrouver. On va, nouvelle émission, vous le savez depuis la dernière fois, nouvelle, un petit peu nouvelle formule. Je vais recevoir deux personnes. La première, c'est, je vais laisser enlever son. C'est Emmanuel Alain Rénal. Bonjour Emmanuel. Voilà. Voilà, et Isabelle Vanini viendra nous parler tout à l'heure du Forum des Images. On a eu peur à un moment donné que le Forum des Images abandonne le cinéma d'animation. Non, c'est bien le cas. On aura bien du cinéma d'animation au Forum. Donc ça, c'est vraiment bien, avec notamment tout un nouveau rendez-vous qui s'appelle Tout Anime. On va pas trop tarder, on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet, mais je voulais vous faire un petit édito, très rapide en fait, comme je peux faire d'habitude, mais c'était juste pour dire que j'ai eu la chance d'aller aux rencontres de Fontevraud il y a pas longtemps. C'était très très agréable, hein. Fontevraud, c'est une abbaye, une ancienne prison où, si je dis pas de bêtises, je crois Jean Genet avait été emprisonné même à un moment donné. Alors c'est une prison, voilà, c'était un... plein de choses qui sont passées dans cette abbaye. Je ne suis pas suffisamment connaisseur pour vous dire tout, donc je n'en rajouterai pas. Et il y avait un personnage, que j'avoue, hein, il y a 2-3 ans, je pourrais faire mon malin en disant, mais que je ne connaissais pas vraiment il y a 3 ans, qui s'appelle Lorenzo Mattotti. Certains d'entre vous connaissez Lorenzo Mattotti, grand illustrateur italien, qui prépare un long métrage. Et j'ai rarement entendu, enfin... Une vraie intelligence de propos de la part de Lorenzo Mattotti qui m'a beaucoup plu. Il fait un long métrage, il a un style très particulier en pastel. Et là, il fait un long métrage tiré de Dino Buzzati. Fabuleuse invasion, ou la fameuse invasion de la Sicile par les ours, ou un truc comme ça. Je suis toujours nul, ce titre est tellement long. Et il était d'une intelligence dans son propos en disant c'est pas grave, pourquoi pas même le faire en 3D, pourquoi pas changer mon style. Important, je suis pas là pour que mon style graphique soit en avant, je suis là pour raconter une histoire, celle de Buzzati. J'essaie de la prononcer légèrement à l'italienne comme Mattotti le faisait, mais voilà. Et c'était, je trouvais que c'était d'une intelligence de propos. Il a remercié tout son staff technique. Je pense que j'ai jamais entendu dire Johan Sfar une gentillesse sur tous les staff techniques qu'il a pu avoir sur Chat du Rabbin ou des choses comme ça. Je suis pas sûr non plus tellement pour Marjane Satrapi. Hein. Enfin voilà, des gens comme ça, et je trouve ça d'une telle humilité et d'une telle intelligence d'esprit que je suis content. Plus j'ai eu la chance de le voir un tout petit peu après et discuter avec lui. Et Lorenzo Mattotti, il a notamment travaillé sur un film qui s'appelle Eros, qui est le dernier film de Michelangelo Antonioni, C'est un truc. Et donc, j'ai parlé avec lui d'Antonioni, je lui ai parlé dans Wong Kar-wai parce qu'il y avait aussi un générique. Et d'un seul coup, c'était extraordinaire dans le monde de l'animation de parler avec quelqu'un. Ben, Kem, évidemment, qui est illustrateur, mais Kem, le cinéma. Il me parlait de Tony Noguera, grand scénariste. Et je ne vous lis pas ça pour, voilà, pour raconter ma vie. C'est juste que je trouvais que c'était intéressant aussi que le monde de l'animation, je le répète souvent ici, se arrête et passe aussi de l'autre côté et aille vers aussi le cinéma de prise de vue continue et tente quelque chose d'autre et aille vers autre chose. Ça me paraît absolument fondamental pour... Ben voilà, pour continuer à faire évoluer un petit peu ce cinéma. On va le temps de reprendre juste nos esprits. On va juste écouter le morceau du mois qui n'est pas un morceau récent. Le morceau du générique vient d'un film assez extraordinaire qui s'appelle Tabou de Nagisa Oshima sur l'homosexualité chez les samouraïs. La musique était de Ryuichi Sakamoto. Et là, on va écouter un vieux titre d'une chanteuse qui s'appelle Michelle Engocello et le morceau s'appelle Wasted Time, j'arrive même plus à parler anglais, et on va l'écouter, ça sera beaucoup mieux par Michelle Engocello, et on revient après pour parler donc de Miyu Production avec Emmanuel Alain Reynal. À tout de suite. Thank you. oui. Non, la coupe est très, très, très brutale comme ça, parce qu'en fait, l'album, vous savez, maintenant, c'est ces fameux albums où, quand on est sur CD ou des choses comme ça, là, normalement, il y a une continuité. Le CD, c'est compliqué de faire des pistes comme ça sans avoir c'est très abrupt. La chanson parle d'un amour impossible, ou en tout cas compliqué. Enfin, pas impossible, ce serait trop, mais en tout cas, pas possible. Et donc. Le côté brutal est voulu, évidemment, chez Michel Angelo pour parler de cette histoire-là. Donc, Emmanuel, rebonjour. C'est il n'y a pas longtemps. Tu étais déjà venu ici. Oui. Pour parler, on avait parlé, et peut-être que le début, on va reprendre quelque chose que tu as déjà dit, mais je trouvais intéressant dans cette idée d'avoir un invité principal pendant une heure pour lui faire parler à la fois. Donc il y aura ce fameux questionnaire hein, qui voilà que j'ai mis en place, petit questionnaire léger comme ça que j'ai mis en place depuis la dernière fois avec Jean-Charles Mbotsima Lolo, mais de parler un tout petit peu plus de Miyu. Et on va commencer, mon Dieu, je me suis dit, par quoi je vais commencer. On va commencer par quelque chose d'assez simple, et pourquoi pas tout simplement toi, tu te rappelles alors hors Miyu, hors tout ça, est-ce que tu te rappelles du premier long métrage animé que tu as pu voir quand tu étais enfant? Est-ce que c'est quelque chose dont tu te souviens, mais vraiment, ou est-ce que tu dis non, c'est peut-être, je sais pas, un Disney ou un truc comme ça, ou non, il y a quelque chose dont tu te souviens bien? Ça doit être un Disney. Ouais, mais il n'y a pas de film qui t'a marqué particulièrement, a priori. Je sais que le film le Disney en tout cas, qui m'a marqué à l'époque, c'était Le Roi Lion, que j'ai vu un certain nombre de fois. Ok. Mais peut-être aussi une de mes premières frustrations, d'ailleurs, c'était... Je venais de découvrir j'avais bouffé la trilogie de Tolkien, Seigneur des Anneaux. Et j'avais découvert un long métrage, c'était bien sûr avant. Ouais. Et j'étais assez impressionné par ce film et extrêmement frustré à la fin, puisque la trilogie n'est pas achevée. Très beau film, mais ouais, c'est un souvenir assez marquant aussi. Est-ce que c'est ça d'être intervieweur, le Roi Lion, il y a plein de problématiques à mon contrôle, le problématique au niveau des parents, du père, etc., qu'on va retrouver dans les productions Miyu même un peu plus tard. Ouais, c'est un peu trop exagéré. Je pense que pense que c'est aussi le phénomène, hein, c'est-à-dire que j'avais l'âge au moment du phénomène, ouais. Il y a un effet quand même. Parce que des fois on est marqué par des films. C'est des films qui ont tellement marqué de gens que voilà, j'avais l'âge au moment de le bon âge au moment de sa sortie. D'accord. On sait jamais. On peut psychanalyser tout ça. Complètement. Quand on regarde sur le site de Miyu aujourd'hui, c'est intéressant parce que la première page de Miyu, on tombe plus sur l'âge, on tombe Miyu, production, distribution, galerie. Donc on voit bien que Miyu est devenu complexe. Ce qui fait que même essayer de trouver, on n'arrive même plus à trouver pas la biographie, mais enfin voilà, ou comment a été créé Miyu. En fait, on tombe sur production directement, on a l'impression que l'histoire a été jetée aux oubliettes. Donc on va un petit peu revenir sur l'histoire. 2009, c'est ça? Oui. Tu l'as, je sais que déjà des semaines, on va le repartir. 2009, tu crées Miyu, pas forcément pour l'animation à la base, ou déjà pour l'animation? 2009, je crée Miyu de façon un peu étrange, parce qu'au départ, je suis plutôt dans l'idée d'être réalisateur. Ouais. Que j'ai une première expérience avec trois autres associés dans une boîte qui s'appelait Les Films de la Flibuste. Qui a été une expérience plutôt malheureuse, en tout cas pour moi et pour la société, puisque je suis parti en cours d'aventure, que je me suis retrouvé avec 10 mois de loyer de retard et pas un euro en poche, et que je me suis dit, tiens, cette première expérience de société m'a donné... En tout cas, je me suis vu prendre des décisions entrepreneuriales, et je me suis demandé si finalement... avoir une société de production, c'était pas ça qui me rendrait heureux. Et je me suis embarqué dans Miyu avec une associée à l'époque, qui n'est plus là maintenant, avec aucune peur, puisque j'avais plus rien à perdre, grosso modo. Donc j'ai emprunté 50 euros à ma mère, que je lui ai rendu après, je précise. Et mon associé a mis 50 euros aussi. On a monté une société au capital de 100 euros, et il se trouve que, par chance, un premier contrat est tombé assez rapidement en commande, puisque on m'avait demandé de faire la conception et la réalisation d'Europe Écologie Les Verts pour pour les européennes. Par chance, ça arrive rarement par chance. C'est, non, c'est pas par chance. C'est pas par chance, j'avais déjà participé à l'expérience en 2007 autour des, je sais plus, c'était les... législatives, je sais plus quelles élections. Mais donc du coup, j'avais participé, je connaissais une des personnes de la com et je leur avais dit mais pourquoi pas faire un clip en animation. Et ils m'avaient suivi en 2007 et du coup en 2009 ils m'ont demandé de m'en occuper de façon un peu plus, on va dire, opérationnelle avec une société. Et donc du coup ça a permis de lancer un petit peu l'activité. Et je me suis embarqué là-dedans sans avoir aucune idée de comment produire un film. J'avais vraiment, je savais pas ce que c'était que le CNC ni quoi, ni toute le principe de financement en France. Et pendant 3 ans j'avais comme idée de développer le côté institutionnel pour ensuite pouvoir générer assez d'argent pour payer des auteurs en se disant de toute façon ça sert à rien que je envoie mon dossier au CNC ou aux chaînes, puisque c'est le petit milieu qui se connaît d'entre gens et que moi je ne viens pas de là, donc de toute façon ils me considéreront pas. Puis après ça évolue. Hein. Donc ça évolue, il y a eu d'autres choses, il y a eu d'autres commandes bien évidemment dans ce cas-là. L'animation ça vient avec l'amitié avec Simon Roubi ou c'est vraiment ça. La première fois que je touche à l'animation, c'est parce que on m'avait demandé de réaliser un clip, donc ça c'était bien avant Miu, et j'avais envie d'intégrer de l'animation parce que Simon était dans le coin et l'on faisait, et que j'ai eu une idée à un moment donné d'en intégrer, et on a travaillé ensemble sur un clip qui ne marquera pas l'histoire du cinéma français. Mais Miu, il y avait déjà... Toi, moi, je viens de la prise de vue. Voilà, parce qu'en plus, tu viens là, c'est pas du tout l'anime, mais déjà, il y a quand même chez toi une envie de rajouter de l'animation, là, par exemple, dans un clip. Ouais. Ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Enfin, les gens, Peut-être qu'il y a un côté un peu. J'aime bien l'hybridation, donc j'aime bien. Voilà, tu parlais de la page de Miu, on voit bien que. J'aime bien mélanger les. Donc peut-être que ça vient de là. En tout cas, oui, au départ, moi, je pars. Quand je me décide de faire de la réalisation, je pars pour faire de la prise de vue réelle et d'ailleurs quand je suis arrivé à l'animation plus par opportunité qu'autre chose, hein. Simon Roubi, c'est Les Gobelins, ensuite il part à CalArts, ensuite futur réalisateur évidemment d'Adama, premier long métrage qu'il va faire. Il est sur d'autres choses en ce moment. Donc on connaît l'histoire. Tu lui dis tiens. L'anime m'intéresse, je vais me lancer un peu dans l'anime et il te présente Mana et Bienvenue ou non? Non, mais c'est même pas comme ça, c'est que vraiment comme en 2007 quand je propose d'intégrer de l'animation dans un clip de campagne d'Europe Écologie Les Verts, je pense au seul auteur que je connais en animation, Simon, qui ne pouvait pas le faire, ou et en tout cas qui me parle d'un autre ami qui est réalisateur d'animation de série maintenant, et on fait ça et du coup ça m'intéresse. Donc en 2009 on me demande de repartir là-dedans, je demande à Simon, donc c'est Simon qui fait la DA de ce clip, et du coup j'avance, je commence en institutionnel à me spécialiser un peu sur des formes à intégrer de l'animation dans des films instituts. Derrière le PS de me demander une campagne, je la fais en anime avec Julien Cèze. Voilà, ça devient quelque chose par opportunité, voilà, ça se construit un peu comme ça. Et un jour Simon me dit écoute, je reviens de Gobelin et il y a un jeune étudiant en deuxième année qui s'appelle Hugo Bienvenue. C'est hyper intéressant ce qu'il fait et je sais pas, je me suis dit qu'il fallait que je te le présente. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est comme du coup, ça, j'ai dit bien. Bah oui, ok, très bien, mais je cherchais pas d'auteur forcément d'anime. J'étais pas du tout. Et il me dit, écoute, voilà, ce mec-là, il y a quelque chose de très impressionnant dans ce qu'il fait. Et je me suis dit qu'il fallait que je le mette en relation avec toi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Hugo et que Hugo, on a discuté une après-midi à Miu, qui était à l'époque mon appartement à Barbès. Et il m'a dit, je pars à CalArts, mais quand je reviens, on fait un projet ensemble. Et quand il est revenu, on a fait Renard et après, on a collaboré. Et ensuite, c'est comme ça que nous, on te connaît dans le monde de l'animation, à savoir déjà dans cette collaboration avec Bienvenue et Mana. Ça, c'est les premiers, puis après, on va voir qu'il y en a eu plein d'autres, évidemment. Bon. Si on commençait le petit questionnaire, il était compliqué, hein, ce questionnaire pour toi. Bah, je ne l'ai pas travaillé, donc. Hein non, ouais. Et puis surtout, tu ne l'as pas travaillé, mais tu as réfléchi quand même, en fait. Oui, j'ai pas assez réfléchi. T'as eu plein de. Tu m'as dit, tu m'as dit. C'est toujours très hyper compliqué de choisir. Un élément, un livre, un auteur parmi tant de génies. Donc c'est un peu, tu réfléchis d'abord au point de vue, tu te dis bon, bah, je vais prendre celui qui m'a le plus marqué ou celui qui m'a qui m'a construit ou celui de l'année ou... Alors, si on commençait par... J'ai pas pu répondre à cette première question. Si on commençait par une autre question, justement, commençons par la première. Une partie de ton corps, si tu devais en choisir une. Je vais dire les yeux parce que je crois que c'est un des sens qui... Même si je suis extrêmement gourmand et que j'adore manger... Et j'adore bien manger et bien boire. Les yeux, puisque je me suis toujours posé la question de comment je pourrais continuer à vivre sans mes yeux. C'est quelque chose qui m'obsède un peu. Ouais. Ah oui, parce que c'est ça qui m'ouvre vers le monde. C'est ça qui me permet de voir ce qui me fait vivre, c'est-à-dire de l'art plastique, du cinéma. C'est l'une des premières choses que tu regardes dans un dossier. Est-ce qu'il faut, même si peut-être le sujet va te passionner, est-ce que tu pourrais produire toi un sujet absolument passionnant avec un graphisme que tu n'aimes pas du tout? C'est une vraie question, ça. Pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé. Ça, c'est pas vrai que ça ne m'est pas arrivé. C'est qu'il y a des graphismes qui me chamboulent moins que d'autres dans les films que j'ai produits. Quand même, d'accord. Y a des mais effectivement, après, ça, c'est une autre question. C'est une question un peu plus sur le cinéma d'animation. Mais nous, producteurs, quand on choisit un projet, c'est la plus grande des subjectivités possibles. On prend un projet parce que juste on se sent, il y a quelque chose qui réveille en nous l'idée de le défendre coûte que coûte et jusqu'au bout. Donc c'est quelque chose de très... Mais oui, effectivement, quand tu ouvres un dossier, la première... avant même de lire le scénario, ce que tu vois, tu es confronté directement à un univers graphique. Si cet univers graphique te déplaît, il faut vraiment que l'histoire derrière vienne te happer pour vraiment te ça happer marche, pour quoi. Y aller. Ouais. Mais c'est la même chose pour un spectateur. Je pense que c'est la complexité aussi du cinéma d'animation par rapport au spectateur. C'est qu'il y a des spectateurs qui ne vont pas aller voir un long métrage en salle parce que ce qu'ils ont vu, deux, trois images ou une bande-annonce, leur déplaît. Et même si l'histoire derrière peut les passionner. C'est sûrement, l'une des problématiques de la projection et du visionnage. Puisqu'en fait, là, j'étais une projection très intéressante du Tigre de Tasmanie avec Adèle Haenel et les Marquises qui faisaient un concert. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était de voir juste un court-métrage passer seul. Et que le problème, c'est vrai, souvent qu'on a en festival, c'est un court-métrage plus un autre, ce qui fait qu'on va tendance à dire oh, ok, là, celui-là, je décroche un tout petit peu parce que. Et passer d'un univers fort à un univers autre fort est quand même des fois un autre univers fort, est souvent compliqué. Ça, c'est la question du court-métrage. Une ville, un village, un pays, n'importe. Je vais partir dans une heure dans ma maison à Mers-les-Bains, donc je vais dire à Mers-les-Bains, ouais. Qui est un endroit, voilà, on a acheté avec ma femme une petite maison à côté de la mer et on s'est dit que c'était trop cher à Paris, donc on allait acheter ailleurs et on est hyper heureux et c'est là qu'on s'est marié, c'est mes parents viennent régulièrement en dessous, on a recréé une espèce de maison de famille où les proches viennent, ils ont la clé s'ils veulent, voilà, on y était encore le week-end dernier avec d'autres amis, c'est un lieu qui est important parce que c'est un endroit où je me ressource beaucoup. Je vous invite à aller voir Mers-les-Bains. C'est très joli. Plus compliqué, un chorégraphe, une danse? Alors, je suis pas très, très... Alors, bizarrement. Ouais. Je vais dire bizarrement parce que j'ai fait pas mal d'années de danse. Hip-hop, moderne, jazz, donc pas vraiment... mais j'ai fait pas mal d'années de danse entre mes 15 ans et mes 19, 20 ans. J'adore danser. C'est vraiment quelque chose que... Mais par contre, j'ai pas une grande culture en danse. Voilà, mais même je connais danse, peu, donc tu je connais peu. Non, mais j'ai une réponse parce que j'aime beaucoup Pina Bausch, donc je vais dire Pina Bausch. Mais c'est vrai que j'ai une culture assez limitée en danse. Je suis allé voir quelques spectacles de danse contemporaine qui m'ont pas forcément tous plu. Je pense notamment à un Québécois. Son nom va me revenir. Son nom va me revenir. J'ai beaucoup de mal avec les acteurs ou les danseurs qui cassent le quatrième mur et voilà, et là du coup le début du spectacle c'était Dave Saint-Pierre, ça dit quelque chose? Toi, tu t'y connais un peu? Ça me dit rien, un tout petit peu mais pas non plus énormément. Le début du spectacle, t'as tous les danseurs à moitié à poil qui te grimpent dessus et moi d'ailleurs là c'était compliqué. Je me suis senti hyper agressé mais voilà, non, en tout cas Pina Bausch, oui. Pina Bausch, il y a quelque chose qui m'intéresse énormément dans son travail et notamment la collaboration le fait qu'elle nourrisse ses chorégraphies de gestes inventés, on va dire, par ses danseurs. Et il y a un truc que je trouve assez intéressant aussi, un parallèle à faire avec le l'art collectif, on va dire, donc qu'est le cinéma aussi, et comment un réalisateur peut construire une œuvre totalement personnelle, mais avec aussi le talent de multiples personnes autour et peut-être l'initiative de certaines sur certaines idées ou éléments qu'on retrouvera dans le film. Comment tu choisis? On en a parlé un petit peu. Si on regarde, alors on peut avoir des choses comme Jocelyn Facon qui vient de l'MK, qui a un côté très Bienvenue Mana, qui a été vraiment pas élevé dans à Miou, mais quand même énormément. Des gens qui viennent d'avant, comme Léo Berry, enfin comme Julien Cesse par exemple. Et puis Simon Roubi toujours, de l'expérimental avec Francis, 10 puissance moins 43. Des jeunes auteurs comme Lénaïque Lemoigne pour l'après-midi de Clémence, des gens ou Martina Scarpelli pour Egg, des gens maintenant très reconnus comme Roberto Catani par exemple ou Simon Roubi par exemple, même comme Nicolas Pégon qui est pas connu tant son nom mais qui vient du CRCR, donc quand même quelque chose aussi qui est connu dans le monde de l'animation. Comment tu choisis? On t'envoie des dossiers pour faire, ou c'est les trois quarts du temps, c'est plutôt toi qui prends ton téléphone, ton mail et qui dit j'aime ce que tu fais. Je me suis toujours étonné je sais pas, il y a 4-5 ans, je partageais mes bureaux avec une autre société de production, Palikao, Delphine Benroubi, qui faisait elle que de la prise de vue réelle. Et j'étais étonné par le fait que moi je recevais jamais aucun dossier. Et elle recevait, mais genre, je sais pas, un nombre incroyable de scénarios. Sur sa boîte contact, par envoi postal et tout. C'est moins le cas, mais ça reste quand même assez le cas. J'essaye d'avoir les antennes un peu partout. Et grosso modo, j'aime bien être à l'initiative aussi de la rencontre. Donc, ça veut pas dire que c'est tout le temps le cas. Ça veut pas dire que c'est obligatoire. Mais voilà, j'aime bien travailler avec les écoles, dont j'admire le travail. Alors forcément, c'est plutôt des écoles 2D. On peut parler de ça aussi, mais j'ai une sensibilité qui est beaucoup plus sur la 2D. Même si on s'interdira jamais de faire de la 3D ou de la stop motion un jour, parce que c'est le projet qui, mais voilà, j'ai une sensibilité qui est très 2D. Et voilà, donc essayer de repérer dans ces écoles les talents de demain. J'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup passer ma journée. Ma femme étant libraire, j'ai le samedi où je ne suis ni au bureau ni avec elle, donc je suis à la maison et je regarde beaucoup de Tumblr. Je suis beaucoup sur les réseaux. J'essaye de trouver des univers. Et puis maintenant, Miou commence à avoir une petite notoriété, donc on a aussi forcément des projets qui viennent par nos réseaux internationaux, puisqu'on fait beaucoup de coproductions internationales maintenant. Et ça peut être un producteur. On coproduit là le prochain film de Tal Kantor, c'est Drasko, qui est un producteur croate qui m'a mis en relation. Voilà. Après, il y a des choses comme ça qui se construisent parce que t'as un réseau de plus en plus. Est-ce qu'il y a quand même un côté qui se veut ou politique ou engagé? Alors, engagé, pas forcément justement dans le côté politique. Egg est un film sur l'anorexie, par exemple. Après, Clémence sur le fait d'être. Bouc émissaire. Ouais, c'est ça. 5 ans après la guerre, là, ça va être ou Nothing Happens, qui vont être plus sur le côté politique des choses. Il y a toujours quand même quelque chose comme ça. Ou alors, il faut que ça soit, presque engagé à un niveau presque visuel aussi, comme La Gueule Ouverte, par exemple, ou que ça soit presque. Ouais, avec peu d'anime ou 10 puissance moins 43, c'est-à-dire d'un seul coup aller partir dans l'expérimental, on est donc plus tellement ni dans l'anime ni la prise de vue continue, on mélange un petit peu tout. Il faut qu'il y ait quand même un derrière, presque un côté. Je veux démontrer quelque chose, entre guillemets. J'ai toujours du mal à analyser la ligne éditoriale de Miou parce que, effectivement, c'est. Je craque sur les choses que j'aime et j'ai plutôt des goûts assez éclectiques et ça part. Un peu dans tous les sens, parce que là tu parles de documentaire animé, alors oui, effectivement documentaire animé c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup à Miou, le cinéma expérimental aussi, parce que je suis un amoureux des arts plastiques et que forcément c'est des types de narration. J'aime pas l'expression cinéma non narratif, parce que pour moi c'est la chute, c'est narratif, pour citer un film que je n'ai pas produit parce que j'en parlais avec Boris il y a pas longtemps. Oui, engagé. J'aime bien les films qui disent le monde. Donc forcément, il y a un rapport un peu engagé. Pourquoi j'aime le documentaire animé, c'est parce qu'il dit de façon un peu plus frontale, on va dire. Mais j'aime beaucoup aussi des œuvres de fiction qui sont dans l'animation. Par exemple, des scénarios très réalistes dans l'animation. Il y a deux projets qui sont en cours de financement, qui sont Fibre Peur Blanche, On Lance la Prod, et Christopher Hatzi. Mais je pourrais parler d'autres films dans la filmographie de Miu, qui sont pour le coup des films qui pourraient être totalement réalisés en prise de vue réelle. Il y a pas... Est-ce qu'il y a un changement aussi? Alors, donc, on a parlé tout à l'heure justement du film sur le blues, dont j'oublie le nom parce que j'ai pas... One After the Other. Merci beaucoup, One After the Other. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un petit changement? Est-ce que le fait d'être reconnu, ou en tout cas un peu plus connu dans le petit monde de l'anime, fait qu'on va avoir des noms comme Paul Drissen, comme Katani, qui vont arriver, et beaucoup plus qu'avant. Là, quand on regarde les films en développement, il y a Chitty Slungren, Tom C.G. Brown, Sawako Kabuki, Alice est française, mais elle est en Hollande, elle travaille en Hollande, Marie Jacotet et Lola Alifa Legrand, qui sont à Londres, et qui ne viennent pas d'anime, et Magda Guldi et Mara Seri, qui sont italiennes. Est-ce que là, on a seul coup, on a une ouverture est-ce que ça, c'est dû à toi, au fait que tu vas te balader plus, au fait que les gens te connaissent plus, t'envoient? C'est un mélange des deux. Ouais. Après, c'est aussi une question de... On fait des métiers difficiles et du coup tout ce qui peut être un peu excitant, on a tendance à se... c'est excitant de s'ouvrir au monde, d'un côté de se dire on dépasse les frontières et puis on va côtoyer. Mais il y a un premier élément, ce que je te disais tout à l'heure, c'est le fait qu'on commence à être un peu plus repéré, et donc du coup que les projets internationaux viennent plus facilement par nos réseaux ou par notre réputation. Et puis après, je sais pas quoi te dire. Je sais jamais comment je choisis vraiment les projets. Non, mais c'est juste pour... des fois, ça doit venir aussi, en effet, d'un seul coup de rencontre. Juste, est-ce qu'à un moment donné... La rencontre, c'est hyper important. Voilà, c'est-à-dire que quand tu rencontres Nobuaki Doi, par exemple, à un moment donné au Japon, il y a forcément un côté en disant, ça va quoi. Puis tiens, il y a Ryo Rikaza qui est dans le coin, ça serait un petit peu dommage que tu loupes pas. Puis même Mirai Mizue, tiens, pourquoi pas, par rapport à un long, des choses comme ça. Et que finalement, Sushi Wada. Voilà, et que je suppose que Chitty Slungren, c'est aussi Drashko, non, qui t'a amené ça. Ils avaient très envie qu'on travaille ensemble, et ils voulaient travailler avec Arte. Donc du coup, on était le coproducteur vu qu'il fallait un coproducteur français, et qu'ils avaient très envie de travailler avec Miu. Mais donc des rencontres. Mais c'est des rencontres, c'est des plaisirs. Drasco et Quinty, c'est des gens. Quand on produit un court métrage, pour parler que d'un court métrage, c'est à peu près 2 à 3 ans de travail. Donc le plaisir que tu peux passer avec ton auteur, il est essentiel. On va passer par des moments qui vont être extrêmement compliqués, du moment où on va signer un contrat, je le dis tout le temps, qui s'appelle une cession de droit d'auteur, donc qui est d'une violence déjà incroyable pour l'auteur, jusqu'au moment où on va envoyer le film dans des festivals et que on va se prendre le premier nom, le deuxième nom, le troisième nom. Et je cite souvent une réalisatrice qui avait défini mon rôle sur son film. On avait croisé une amie à elle qui connaissait rien au cinéma. Elle me présente, elle dit c'est mon producteur. Et donc son amie lui dit regarde, elle me dit c'est quoi un producteur. Alors j'étais prêt à répéter mon inlassable monologue sur un producteur, et j'ai pas eu le temps parce que ma réalisatrice lui a dit Emmanuel, sur mon film c'est celui qui y croit. Et je trouve ça vachement bien parce que c'est exactement ça. On est là sur ces 3 ans, on va accompagner un auteur qui lui est dans le doute constant, en tout cas s'il a aucun doute c'est qu'il y a un problème, mais en tout cas il est dans le doute constant, et nous on est à côté en disant non mais t'inquiète pas, on a eu un nom de la contribution financière, mais on va redéposer, on va trouver un autre moyen, t'inquiète pas. Et non, t'inquiète pas, Annecy l'a pas pris, mais c'est pas une fin en soi, tu sais. Voilà. Donc on est celui qui y croit tout le long. Et pour ça, on a besoin d'avoir une empathie forte avec notre réalisateur ou notre réalisatrice pour y croire. Et donc du coup, oui, le lien, la rencontre, ce moment-là, un peu fou, un peu dingue, où on part. Alors un jeune auteur qui va être terrifié par l'idée de signer un contrat, ou Paul Drissen qui, suite à l'interview d'un journaliste, qui lui dit c'est quoi votre prochain projet, il se retourne vers moi, il me dit tu veux me produire? Je dis oui. Alors qu'on s'était rencontré la veille, et il me dit je vais faire un court métrage avec ce jeune homme. C'est des moments, des trucs, ça tombe comme ça, et puis il y a une évidence, on y va, et puis il y a surtout une espèce d'entrain. C'est une alchimie de plein de choses. Mais oui, il faut que la rencontre soit là, et il faut qu'on ait envie de passer 3 ans deux moments formidables comme deux moments très durs avec mais ça va dans les deux sens hein. Un producteur sûr, choisit un auteur choisit un producteur. Il faut que absolument, je le dis à tous les auteurs qui peuvent nous écouter, ne partez pas avec ne signez pas avec un producteur si vous sentez pas un lien. Il y a le lien artistique, est-ce qu'il comprend mon projet, est-ce que, mais il y a aussi ce lien simple d'avoir envie de signer un contrat de et d'avoir ouais, il y a un côté un peu coup de foot, faut qu'il y ait ça quoi. Allez, toutes deux trois questions, un jour moment de l'année. À quoi? Questionnaire, un jour, j'aime bien, on a l'impression que je renvoie quand même. Non jour, mais celui-là il était dans la liste, il un était jour, dans la liste. Un moment un de l'année. Jour ou un moment de l'année. Ça prouve bien que je l'ai pas préparé. Un jour ou un moment de l'année, ouais. je dirais une fête. J'aime bien les fêtes. Ouais. Je dirais. Pas une particulière de toutes les fêtes. Non, allez, le 31. Ouais. En plus, c'est marrant, c'est vraiment une fête que j'aime pas. Mais allez, le 31 décembre. Ok, le 31 décembre, même si t'aimes pas. Ouais. Ok. Parce qu'il y a toujours une bonne occasion de boire et de manger. Justement, une nourriture ou une boisson? Une boisson serait le vin. Okay. J'adore ça. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Ouais, t'as une cave, J'ai une petite cave à Metz. Ouais. Il faudrait que je la travaille un peu plus. Mais ouais, je suis assez. J'aime beaucoup le vin. Et en nourriture, une blanquette ou un pot-au-feu. Un grand plat dans une marmite qu'on pose sur la table avec tous les amis ou la famille autour. Et on se sert, on n'a pas besoin de. Il y a une louche. Et puis chacun se sert. Et puis si on veut se resservir pour la troisième fois, on le remet sur le feu. Un long métrage. Je vais dire Barry Lyndon, celui-là je l'avais préparé. Barry c'est un Lyndon, film que j'adore. Je sais pas. J'aime bien les grandes. Alors, on parlera de littérature après, mais j'aime bien les grands romans d'aventure. Là, c'est un grand film d'aventure qui m'embarque. J'aime ce système, cette construction très hollywoodienne, hein, de je pars de rien, je deviens tout. Alors, à Hollywood, on a soit je pars de rien, je deviens tout, soit je suis tout et je finis rien. Là, on a les deux. Et voilà, j'aime l'audace de l'entracte au milieu qui est absolument merveilleux. J'aime la lumière de ce film, j'aime le jeu, j'aime tout de ce film. Je peux le voir et le revoir. Je sais pas combien de fois je l'ai vu déjà. Et d'ailleurs, tiens, j'ai envie de me le revoir. Je vais peut-être. Si possible, le cinéma, évidemment, encore mieux, mais bon. Court-métrage. Alors, court-métrage, là aussi, je l'ai préparé. j'ai pas préparé forcément ce que j'allais dire derrière, mais j'ai le choix. C'est une question compliquée parce que d'un, je suis producteur de cours, donc j'en vois quand même beaucoup depuis 5-6 ans. Et que j'avais ni envie de prendre un film d'anime, ni un film récent. Donc, j'ai cherché plutôt un court-métrage qui m'a fortement marqué. Je me souviens, je l'ai vu assez. Je vais avoir 17 ans. C'est mon frère qui me l'a fait découvrir. C'est La Jetée. Et voilà. Et je vais prendre cet exemple parce que, on parlait d'hybridation, ou en tout cas de au-delà de l'hybridation, mais d'envisager Miyu comme quelque chose qui peut muter et qui peut aller chercher d'autres frontières. Et je trouve que dans La Jetée, il y a un rapport extrêmement plastique, il y a un rapport très, il y a un aspect très littéraire. C'est purement du cinéma, mais c'est aussi de l'animation quelque part. Donc c'est de la prise de vue réelle, mais aussi de l'animation. Voilà. Merci. Je trouve que finalement c'est un film qui, vu qu'il faut, il ne peut qu'en rester qu'un. Voilà, s'il devait en rester qu'un, je prendrais La Jetée. C'est un beau film complexe justement par rapport à la définition en effet d'animation. On va prendre une petite pause. On va écouter Your Ex Lover Is Dead de Stars. On revient d'ici 4 petites minutes. À tout de suite. Pourri par la radio. When there's nothing left to burn, you have to set yourself on fire. Said yes, I think we've Stars, Urex Lover is Dead, qu'on entend notamment dans le film de Michel Gondry avec Jim Carrey, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ou comment supprimer un ex de sa mémoire. Allez, avant de repartir, juste pour le plaisir, un objet. Emmanuel Alain Reynald. Ça, tu vois, j'ai pas réfléchi, par exemple. Ben, alors, vite, un objet comme ça, s'il y a un objet qui te paraît, voilà. Important, constitutif de toi. Important en plus. Ou pas important, c'est un juste, objet, mais c'est extrêmement vaste comme. C'est très vaste. C'est hyper vaste. Un bateau, tiens. Un bateau. Il y a quelque chose par rapport à la mer. Ça me fascine. Les gens ne voient pas, mais t'as un bateau en tatouage, t'as pas mal j'en de choses, t'en as deux, donc. C'est important. Ah ouais, c'est Merlebain, donc on est sur la. Ouais. Ouais, j'ai toujours été fasciné par la mer. Alors j'ai toujours été pas très loin de la mer parce que je suis né à Nice, parce que mes parents m'ont toujours amené jusqu'il y a peu en Bretagne, d'abord sur une presqu'île puis ensuite sur une île. Donc là aussi la mer. J'ai pêché avec mon père en bateau. Il avait un bateau qui s'appelait le Nopasaran, un très joli nom. Voilà, j'ai envie de m'acheter le Nopasaran 2 d'ailleurs, un jour peut-être, mais j'adore la mer et en même temps j'adore les romans de mer, j'adore les films qui se passent en mer et en même temps elle me terrifie cette mer. C'est-à-dire que j'adore la regarder de la plage, je veux me prendre un bateau mais je suis pas navigateur, je pense que mon bateau j'irai pas très loin de la côte avec je suis en même temps assez terrifié par cet élément, mais c'est peut-être pour ça, en fait c'est un élément qui ça me fascine complètement. Donc j'adore. Bulle de Rêve partage son l'heure avec une autre émission, avec deux autres émissions, mais notamment une autre émission, une de BD, mais un peu moins maintenant, et une autre qui est sur le polar. Mm-hmm. On peut parler un petit peu de... Est-ce que ton père, Rénal, pour ceux qui connaissent le... Moi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, a été directeur de la collection... Série Noire. Série Noire, auteur lui-même. Voilà, il a participé à plein de choses. Enfin, il fait partie de ces grands auteurs de polar, justement, de... Ah bah ça, ça a été... C'était une influence, ça a été... Mon père, c'est une énorme influence. Ouais. À tout niveau, je pense. Comme un père déjà, mais aussi c'est quelqu'un qui m'a inspiré énormément, qui m'a fait découvrir une tonne de choses en culture, en musique, en livre. C'est quelqu'un qui a une culture immense et qui a une simplicité. Il est très facile d'accès. Il aime. Il est très très spontané, voilà, on s'entend très très bien d'ailleurs. Et ça a été une source aussi politique, parce que si je me suis toujours engagé, c'est parce que mon père s'est engagé et qui m'a fait aimer ça. C'est une source. La dernière fois, je réfléchissais au fait de me retrouver dans le cinéma d'animation et à défendre ce cinéma d'animation. Et finalement, c'est un combat là aussi que je partage avec mon père, qui s'est battu longtemps pour que on considère le roman noir comme autre chose qu'une littérature de la périphérie. Donc là aussi, je me retrouve. Et puis, on travaille ensemble en plus, puisqu'il est co-scénariste du long métrage de Hugo Bienvenue et Kevin Manac. Là, on est en train de terminer le développement. Mais oui, oui, mon père, c'est très important. Justement, un personnage, une personne ou un personnage qui te fascine ? Eh ben, j'ai réfléchi à celle-là et j'ai pas trouvé. Alors, je vais dire mon père, mais non, mais je cherchais une personnalité. Il y en a bien évidemment beaucoup qui me fascine, mais j'arrivais pas à trouver. Tiens, puisque je suis à Radio Libertaire, je pourrais parler de Louise Michel. Louise Michel, c'est un personnage qui me... J'ai lu ses mémoires et c'est un texte assez intéressant d'ailleurs. Je sais pas si tu as fait l'exercice de lire les mémoires de Louise Michel. Mais... Non, mais après, non, il y a beaucoup de personnages qui me fascinent. Ouais, c'est très compliqué. Alors tu vois, est-ce qu'on part sur la politique? Est-ce qu'on part sur l'histoire? Est-ce qu'on part sur les arts? Beaucoup de gens. Donc oui, mon père, c'est une très bonne réponse. Le long métrage, tu viens d'en parler, c'est quelque chose qui est une obligation à un moment donné de passage, juste. On a des auteurs et d'un seul coup, il y en a un qui fait ben, moi, on aimerait bien quand même passer au long. Est-ce que c'est toi qui leur dis bon, allez, ça commence à bien faire, faut passer au long? Comment ça se passe? Il y en a un qui est celui de Kevin Mana et Bienvenue. Il y en a un autre qui est en financement actuellement. En financement, Je vais commencer par la spécificité de l'animation, parce que c'est quand même important. En prise de vue réelle, c'est une obligation. Le court-métrage, c'est réellement une carte de visite qui va permettre derrière de faire la première œuvre. Je fais exprès de mettre les pieds dans le plat, mais parce que c'est souvent ce qu'on voit. On parle du premier film d'un auteur sans considérer ses courts-métrages. Voilà, c'est vraiment... Et ça, cette raison-là, elle est économique aussi. C'est-à-dire que actuellement, un réalisateur de prise de vue réelle ne peut pas vivre de son travail de réalisateur de court-métrage. Voilà. La différence avec l'animation, c'est que le réalisateur, déjà, c'est le temps de fabrication d'un film. Comme il est très étalé, et que les étapes se succèdent, et que souvent le réalisateur est aussi technicien, il va pouvoir endosser le rôle de technicien sur son propre film. Ce que peut pas faire un réalisateur de prise de vue réelle, qui peut être aussi chef op et qui peut être aussi ingé son, mais qui peut pas être chef op et ingé son sur son film, parce que sinon, voilà. Oui. Donc du coup, des salaires qui iraient vers des techniciens, là, sont aussi fléchés vers possiblement fléchés vers le réalisateur. Donc du coup, il peut gagner un peu plus d'argent sur son film. Ça, voilà, ça c'est la première petite différence économique. L'autre différence, c'est que c'est très compliqué de passer au long ou à la série, hein, parce que maintenant, on voit en plus que la série devient une nouvelle façon de s'exprimer en audiovisuel qui est très très forte. C'est Joe Dante qui dit, je crois, que le long métrage, voilà, c'est vraiment le format important du 20e siècle et la série, celle du 21e. Mais donc en animation, c'est très compliqué de passer sur le long ou sur la série, parce que c'est très coûteux. Et parce que, en tant que série, il y a beaucoup de séries jeunes publics, autant long métrage, en fait, il y a peu de long métrage qui se montent actuellement, on espère que ça va changer. Donc, il y a des auteurs qui construisent toute une filmographie sur le court métrage, parce que de un, ils arrivent à en vivre, parce que de deux, c'est plus simple à monter, même si c'est jamais très simple à monter. Et maintenant, on commence à s'ouvrir un peu plus sur le long métrage et le long métrage adulte. Donc, effectivement, nous, Miyu, on a envie de s'intéresser à tout. Donc, on veut s'intéresser au long. Il n'y a pas de raison. Long, hein, pour l'instant, Domenica, comme on a dit. Il y a Domenica qui est en fin d'écriture, je l'espère, qu'on aura notre bonne version de scénario assez prochainement. Sol aveugle, femme endormie de Peter Foldes, c'est son père. Pierre Foldes, qui est adapté de nouvelles de Haruki Murakami. On est en fin de financement. On espère logiquement lancer la production début de cette année, hein, donc dans quelques mois. Après, d'autres projets en développement également. Le prochain film d'Enquête d'Amiens. Et également le premier long métrage de Mireille Mizoué. D'après Le Roi des Singes, hein, où il a déjà posté. Ça va être aussi des grosses aventures. Est-ce que des fois, il y a aussi, on n'aura pas le temps de tout dire, hein, mais là, si on regarde la page donc production télé, alors il y a plein de choses. Barbara, Sébastien Lodenbach, il y a eu des choses. Là, on voit dans les séries Vaudou Miaou, pardon, Osman Serfon, Dewey Noiri et L'Inventeur, Alix Fizet. Est-ce qu'il y a des fois où on, dans tout ça, on se dit. Ouais, là non, j'en fais trop. Il y a trop de choses. Ou au contraire, c'est même un moteur où tu te dis, j'ai besoin d'avoir toutes ces. On sait bien que des fois, ça peut prendre du temps, hein, avant de finir un projet, une série, ça peut prendre plusieurs années avant que ça marche. Pareil pour un long métrage, pareil pour tout ça. On a besoin d'avoir tout ça. Il y a là aussi, c'est des questions qui sont complexes. Il y a déjà des envies. Moi, j'ai. Quand je choisis les films qui vont entrer dans le catalogue de développement de Miyu, j'ai pas envie de m'interdire des choses. Ça met l'idée même de dire ah ce projet est génial, mais on en a trop. Ça m'agace. Après c'est peut-être un côté un peu boulimique. On parlait de gastronomie tout à l'heure ou collectionneur. On parlera de la galerie et de tout cet aspect-là. L'autre chose, elle est aussi toujours économique. Hein. On est quand même des chefs d'entreprise. Et il faut faire vivre une entreprise et tous les projets ne se montent pas, même si à Miyu on est plutôt content du taux de réussite de nos projets en court métrage pour l'instant. On s'attaque au long et à la série. Tous les projets ne se montent pas et les projets mettent énormément de temps à se monter, donc du coup on a toujours et l'autre chose qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que un film de son développement à son achèvement, il y a plusieurs temps et ces temps ne nécessitent pas la même intensité de travail. Hein. Le Mireille Mizoué, par exemple, là il est en train d'écrire pour l'instant, donc moi ça me prend pas vraiment de temps. Il est là, mais à Domenica on est en train de finir de l'écrire, donc après on va rentrer dans une phase de financement. Les quatre longs par exemple sont dans des phases de financement très différentes, donc et qui nécessitent pas le même temps et la même implication. Après oui, on a beaucoup de projets. On bosse comme des fous. Je serais vraiment pas là sans mon associé qui fait un travail remarquable et de dingue. Et on bosse comme parce qu'on y croit et parce qu'on a envie que tous ces projets existent et parce qu'on aime nos auteurs. Et ça a l'air c'est très démagogue. Mais donc c'est un moteur. C'est-à-dire quand je dis tout à l'heure, je te demandais, tu disais c'était complexe, mais finalement on a la réponse. C'est-à-dire qu'entre le côté c'est trop et mais c'est un moteur, c'est qu'en fait finalement tu d'un seul coup de remettre un autre projet pour faire avancer les autres, et que même parce que les autres vont avancer d'un côté, l'idée de pas avoir plein de projets à un moment donné en espérant, et comme tu dis, c'est pas évidemment que le maximum, voire tous se fasse. Oui, il y a pas de sacrifice. Voilà, c'est ça. C'est pas juste, j'en fais 20 pour. Je dis toujours, il y a pas de sacrifice sur les hôtels des commissions, parce que je sais qu'il y a certains producteurs qui vont dire, OK, je prends 10 projets, j'envoie les 10, et sur les 10, il y en a bien 3 qui arriveront à avoir des financements. Mais c'est pas du tout ce qu'on fait, et d'ailleurs, c'est pour ça que je parle du taux de transformation, on va dire, des projets. C'est, on a fait le calcul, Pierre avait fait le calcul, mon associé, mais je sais plus, on doit être autour des 80 en court métrage. Ouais, donc c'est assez important. Quand on prend un projet, on fait tout ce qu'on peut pour le mener jusqu'au bout. Vraiment. C'est quelque chose de, mais oui, après, moi j'aime bien avoir plein de projets et ce qui est important c'est ça, de temps en temps on a des petits signaux, des petites alertes où on se met quand même. Moi est-ce que mon alerte à moi personnellement dans mon travail du quotidien, c'est quand j'arrive pas à donner assez de temps à l'auteur. C'est-à-dire que l'auteur il est en demande de temps, il est souvent jaloux parce qu'on a d'autres auteurs, ce qui est tout à fait classique comme rapport, et en même temps moi ce que j'ai envie de promettre promettre quand on prend un projet, c'est se promettre ce temps de disponibilité. Alors certains vont dire non, non, bah laisse-moi, j'écris, puis je t'appellerai quand ça sera. Hein. Et d'autres vont me demander 5 heures de discussion avec Pierre Foldès. On se fait des rendez-vous assez réguliers dans un même café à la même heure où on prend un café. Et même s'il n'y a pas forcément de sujet, il y en a toujours. Avec d'autres, j'ai pas allé voir pendant longtemps. Et bon, chaque ça, c'est jamais la même chose. Mais en tout cas, c'est ce temps qui est important, je pense, être avoir. Et donc oui, quand j'arrive pas à donner ce temps, je me dis voilà, il faut que tu te réorganises. Et c'est difficile quand être producteur, c'est aussi être caméléon. C'est-à-dire, je suppose qu'en effet, entre Pierre Foldès, Léné Glemoigne, des gens qui sont un peu loin, des gens qui sont prêts, etc. Les demandes sont pas les mêmes. Il y a des gens qui vont peut-être passer 10 minutes à te raconter un film, c'est parfait. D'autres qui vont, enfin parfait. En tout cas, d'autres qui vont mettre 2 heures. Après, il y a la vie des films aussi. Ouais. Il y a des films qu'on travaille énormément en développement parce qu'ils trouvent pas encore leur forme scénaristique, ou et d'autres films qui sont là tout de suite et on va rentrer tout de suite en phase de financement. Ça, c'est l'un des plaisirs du producteur, ou c'est l'une des complexités, peut-être les deux d'ailleurs. Bah ça, d'être je sais pas, d'être avec des auteurs qui sont évidemment protéiformes, enfin en tout cas. C'est ce qui fait qu'on a un métier, que j'ai un des plus beaux métiers du monde. Moi, je veux valoriser mon métier, ça fait partie aussi de mes gros combats, parce que je suis assez aussi engagé au niveau politique et syndical, et je pense que c'est hyper important d'avoir conscience de. C'est très compliqué de comprendre ce que c'est qu'un producteur, en fait. C'est un métier qui est assez particulier, assez secret, on comprend pas trop, on a des images d'Épinal comme ça en tête, ce qui est malheureusement plus l'image du capitaliste, hein, puisque c'est souvent le cigare et le ventre arrondi. Pour l'instant, ça va, ventre arrondi, c'est bon. C'est des métiers qui sont compliqués. Et ce qui est en tout cas génial, pour revenir à ce que tu disais, je m'étais un peu perdu. C'est effectivement que ça, c'est toujours prototypal. Tous les rapports, tous les films, à chaque fois, on réinvente, que ça soit en termes de fabrication, on réinvente le pipeline, on réinvente la façon de travailler avec un auteur, on réinvente tout ça. Et ça, c'est ultra excitant. Être producteur d'anime, c'est aussi compliqué d'expliquer à des producteurs qui n'en font pas, qui sont de la prise de vue continue, qui sont se battre au CNC, se battre au SPI, se battre enfin dans tous les trucs un peu syndicats, en disant on est pareil que vous, on produit des auteurs, des films, mais on a peut-être des choses, même si on a un langage qui est un peu le même cinématographique, vous avez un style un peu différent, puis nous aussi, en tout cas de production, là je parle pas artistiquement, mais même de production. Moi je me suis retrouvé producteur d'anime, comme on l'a expliqué tout à l'heure, sans vouloir vraiment l'être, en tout cas sans l'avoir prémédité. Ouais. Et de la même façon, j'ai pas vécu une grande partie de ce que toi, par exemple, tu as vécu, une période où l'animation était vraiment recluse et rejetée d'un côté, peut-être aussi ostracisée de l'autre par ses propres acteurs. Mais moi, je suis arrivé à un moment où tout ça s'ouvrait. Donc, j'ai beaucoup de respect pour tout le travail qui a été fait avant, tout le combat qui a été fait avant. Après, moi, je suis obligé de l'intégrer, ce travail-là et cette histoire. Mais moi, je l'ai pas vécu comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à un moment où l'animation était quand même un peu plus considérée, et au moment où l'animation est sortie du bois, je dis toujours ça, mais donc moi je suis pas en opposition avec la prise de vue réelle. Moi, j'ai juste envie de dire à la prise de vue réelle, on fait la même chose, effectivement il y a des spécificités, mais je vais reprendre un exemple pour parler de mon père, parce que je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur une radio, mais il le ferait lui, alors du coup je le fais. Mais un jour, je vais pas citer de nom comme ça, un jour mon père a été interviewé par un intellectuel plutôt de droite dans une émission de radio, je sais plus si c'est France Culture, et c'était en léger différé, mais à un moment donné mon père disait oui, vous savez, le roman noir c'est aussi Balzac, le roman noir c'est aussi, et l'intervieweur a réagi en disant ah non, ça c'est à nous. Et ce côté un peu genre de, ah bon, ça c'est à toi, alors on savait pas. Mais là c'est la même chose, c'est à dire que bon, on peut être auteur de cinéma d'animation et se référer à des grands réalisateurs de prise de vue réelle, et il le faut d'ailleurs, et on fait du cinéma, et on fait des cinémas différents, mais qui restent le cinéma. Il n'y a pas une littérature, il n'y a pas un cinéma. Donc ça, c'est un combat pour moi. Là, il y a une tendance actuelle de dire pour que les films d'animation passent en commission, il faut qu'on soit étudié par des gens de l'animation, parce que nous on connaît notre histoire, et qu'il faut qu'on soit séparés du reste. Moi, pour moi, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que si on veut sortir du bois, il faut que de plus en plus ces gens qui considèrent pas l'animation, en bouffe, son dossier, on envoie dans des festivals, et ce travail il est en train d'être fait, et la meilleure des façons de le voir, c'est que de plus en plus de producteurs de prises de vue réelles produisent de l'animation maintenant. Et ça c'est génial, et le film Seul avec Falando dans la nuit, je suis en coproduction avec Tom Dercourt, Cinéma de facto, qui est un producteur de prises de vue réelles. Le prochain film de Sébastien Lodenbach, dont on est producteur exécutif, est produit par aussi Marc Hirmer, qui est un producteur de prises de vue réelles. On voit des sociétés comme Kazakh, comme Les Valseurs en court métrage, et là j'en vois d'autres, comme nous on fabrique aussi, du coup je suis souvent consulté par des collègues, soit consulté, soit ils veulent que on fabrique en tant que producteur. Mais ça je le vois, et ça c'est formidable, c'est génial, à partir du moment où la nouvelle génération n'a plus de problématique à se dire ah non moi je fais pas de l'anime parce que c'est pour les enfants ou parce que c'est du sous-cinéma, c'est gagné. Alors après, soit on est proactif et on essaye d'accélérer, c'est ce que j'essaye de faire, soit on attend, mais pour moi en tout cas on va vers le mieux quoi. Alors un peintre ou un autre artiste beaux-arts? Ah bah là voilà, ça ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ouais. Moi je suis alors passionné total de d'art plastique, de tous les alors, oui, ah, c'est Isabelle qui arrive. On ne sait pas, on va voir. Surprise. Je suis hyper curieux. Non, c'est. Oh non. Continue. Ah, mais attends, je suis facilement déconcentrable, moi. Non, vas-y. Donc c'est trop compliqué pour toi. Non, mais donc du coup, je suis très curieux. Oui, j'ai. Alors là, on est en plein truc et tout. Il n'y a pas de cartable bleu ici. Désolé, peut-être là-bas. Non, c'est le mien, ça. Ah, peut-être dessous. Non, mais je pense pas. Et sinon, voilà. Désolé, il n'y a pas de cartable bleu, en tout cas. On n'a pas bougé. Vas-y. Merde. Emmanuel. Et l'a pas emporté. On ne sait pas, donc on ne saura pas. Peut-être on verra un peu plus tard si Evelyne l'avait emporté. Reconcentre-toi, Emmanuel. Donc, on avait dit, en tout cas, il y en a tellement. Voilà, j'aime beaucoup. Mais il faut un petit peu de truc comme ça, un peu surprenant. J'aime beaucoup. Je suis passionné par... par l'art plastique, je suis collectionneur. J'ai pas mal d'œuvres originales. Je pense que j'ai pas fait le compte, mais je vais avoir une quarantaine. J'adore ça. Je sais que si un jour je gagne un peu plus d'argent, j'achèterai des choses un peu plus chères. Que c'est voilà, si je devais avoir un goût de luxe, voilà, tu pourrais poser la question différemment. Si je devais avoir un goût de luxe, ça serait acheter des œuvres. Je suis complètement fasciné par ça, et donc forcément très curieux de de tout l'art plastique. Et j'ai là aussi mes antennes un peu partout. Tous ceux qui me suivent sur Facebook savent que j'aime bien poster des œuvres qui ont croisé mon chemin sans forcément connaître plus que vous les auteurs, mais c'est juste voilà des espèces de coups de cœur, et mais voilà, c'est très vaste mon... OK. Une image, une photo? J'ai pas réfléchi à celle-là. Une image, une photo. Mais alors plutôt. Il y aurait quelque chose, je sais pas, qui devient. Par exemple, il y a eu beaucoup de choses qui étaient des images, en effet, assez politiques, par exemple. Une image, je sais pas. Une image, je sais pas si je devais le dire là. Par exemple, la première image qui me vient, et c'était. Jean-Charles avait dit la même, c'est ce moine, en effet, qui s'immole, par exemple, au Vietnam. Alors ça peut être des images fortes comme ça. Ça peut être, je sais pas, l'image de quelqu'un quand tu étais enfant, ou ça peut être une image qui devient l'image de la mère. Non, il n'y a pas forcément une Je vais aller dans le personnel du coup, parce que là tu m'as dit il y a une image qui m'impressionne pour le coup, et dont je suis assez fier. C'est une image de ma famille, et alors là, si mon père m'entendait, il me dirait non, c'est pas ça, mais grosso modo c'est mon arrière-grand-mère qui reçoit une médaille pour fait de résistance donnée par mon arrière-grand-père, mais de l'autre côté de la famille, quoi. Voilà, et ça m'a marqué parce que j'ai une famille, je suis issu d'une famille de résistants, et c'est quelque chose là aussi qui m'a beaucoup marqué dans ma construction, et à la fois politique, alors qu'ils étaient plutôt au côté gaulliste, plutôt de droite, hein, c'était pas des, mais malgré tout justement l'engagement, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, et voilà, cette image ça a été une de mes premières fiertés de me dire ah, j'ai des gens que j'ai pas connus mais qui ont fait quelque chose que est-ce que j'aurais pu le faire moi, ça c'est mon éternelle question. Mais en tout cas, eux l'ont fait, donc j'en suis fier. Un vêtement. On passe dans autre chose complètement, évidemment. Un vêtement, ça serait la chemise. Je mets que des chemises. Donc, okay. La chemise. Je note en même temps parce que je les apprends. Tu notes, bah oui, parce qu'on a. Il a été, j'ai vraiment voilà. Pas bossé. Allez, je suis là, désolé, c'est super dur entre une mère qui a écrit, qui a traduit plein de choses, un père qui a écrit, une femme qui vend des livres, qui adore ça, etc. Un livre de... Là, ils vont t'écouter un livre de fiction et un livre de non-fiction. Le livre de fiction d'abord. Bah là, je vais parler d'un livre qui m'a... Forcément, il y a plein de livres qui m'ont marqué. Mais il y en a un qui m'a marqué... Alors, si je devais parler d'un auteur, je dirais Dumas, parce que j'ai beaucoup lu Dumas. Et j'aime énormément, on parlait des romans épiques, des romans d'aventure, voilà, moi, rentrer dans un Dumas et me dire, génial, pendant 3000 pages, je vais me... voilà, il y a à côté, j'adore ça. J'aime les gros romans, j'aime les gros pavés. J'ai toujours du mal avec les petits romans d'ailleurs, je ne les lis pas beaucoup. Belle du Seigneur, ça a été un roman qui m'a beaucoup marqué, que j'ai dû lire là aussi à 17-18 ans, de Albert Cohen, notamment pour cette la première partie. Alors ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais je vais essayer de me souvenir. Mais ce moment dans le bain, elle est dans le bain et elle réfléchit, elle pense à ce qui et tout ça est enchaîné sans ponctuation et elle passe du coq à l'âne comme tu pourrais passer du coq à l'âne dans ton bain en train de... Et j'ai trouvé cette retranscription littéraire de ces moments si particuliers et si à la fois personnels et universels, voilà, remarquable. Et ça, c'est un grand souvenir. Voilà, et puis après, le roman noir, la science-fiction, les romans de les romans de mer, les romans d'aventure, tout ça, Jack London, Moby Dick, voilà, forcément. Plein de choses, forcément. Un livre de non-fiction, je te... Alors, pousse un peu, non-fiction, désolé. Ouais, pour, ouais, je suis en retard. T'en avances, ouais. Un livre de non-fiction, c'est un livre que j'ai lu cette année, qui s'appelle Le livre de ma mère. Alors, le sous-titre, c'est... je me souviens plus du tout du sous-titre qui est le titre original, mais vous le trouvez chez Gallimard sous ce nom-là. Et c'est un bouquin qui m'a que j'ai adoré. L'auteur, qui est un scientifique, part avec son pote, donc je crois qu'ils sont norvégiens, part avec son pote peintre sur la mer avec un bateau pneumatique dans l'idée de pêcher un requin. Et c'est au fil de 4 saisons, puisque je spoil la fin, mais ils arriveront jamais à pêcher ce requin. Mais en tout cas, c'est le lieu là aussi de digression sur à la fois sur la fois essentiellement sur la mer et sur la mer maintenant et sur la catastrophe écologique qui est en train de nous arriver en plein dans la tronche. On va faire une petite pause et on va finir avec les 4 dernières questions et puis évidemment parler de cette nouvelle ce nouvel chemin que prend Miu avec et la distribution et bien évidemment la galerie, même si la galerie on va que le faire et puis j'espère que la personne qui s'en occupe viendra à un moment donné nous en parler directement. Mais on va faire une petite pause juste avant, on écoute Étienne Dao, le premier jour en concert. On écoute, à tout de suite. Un matin comme tous les autres, un nouveau pari. Rechercher un peu de magie en cette inertie morose. Jouer le rôle de sa vie. Puis un soir le rideau tombe. C'est pareil pour tout le monde. Rester debout mais à quel prix. Sacrifier son instinct et ses envies. Les plus essentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui. Le premier jour du reste de ta vie, plus confidentiel. Pourquoi vouloir toujours plus beau, plus loin, plus haut, et vouloir décrocher la lune quand on a les étoiles. S'effondre en quelques secondes. Sache que du berceau à la tombe, c'est dur pour tout le monde. Rester debout mais à quel prix. Sacrifier son instinct et ses envies. c'est providentiel. Ses envies les plus essentielles. Tu peux exploser aujourd'hui et le premier jour du reste de ta vie. Mon accidentelle. Oui, tout peut changer aujourd'hui. Et le premier jour du reste de ta vie, plus confidentiel. Donc live, le premier jour, on revient, on finit avec Emmanuel Alain Reynal, donc Mio Productions. Allez, on finit d'abord avec le questionnaire et puis on finira sur les petites choses maintenant qui sont aussi Mio. C'est super compliqué de demander ça à quelqu'un qui en a déjà plein. Le tatouage que tu aimerais avoir? Le prochain tatouage, du coup. Ouais, alors voilà, c'est ça, parce que pour l'instant, j'ai dit uniquement des gens qui n'en avaient pas forcément, donc... Donc mon prochain tatouage, ouais. Là, je suis sûr que ça a changé, mais pour l'instant, ce serait un phare. On reste dans cette idée de mer et de maritime, ok. Un fait historique et politique. Bah du coup, alors je vais répondre plusieurs faits historiques. Non, un fait historique et politique. Il y en a un qui me fascine assez, c'est la Commune. Ouais. Je trouve que voilà, c'est un moment assez extraordinaire dans l'histoire de notre pays et unique. Après, malheureusement, mais voilà. Donc et pour aller vite, un autre fait là qui me passionne, parce qu'au départ j'ai fait des études d'histoire et j'ai été spécialisé dans mes études sur la Seconde Guerre mondiale. Et là aussi, on rejoint aussi le passé familial et tout ça. Mais c'est une période qui me fascine. Alors. Un album. Je fais vite, hein, parce que ouais, comme je sais qu'on est à la bourre. Un album. Et ben un album, je te l'ai envoyé. Ouais. Ben, c'est une question qui est compliquée aussi. Alors je me suis demandé quel album j'écoutais tout le temps et du coup je voulais choisir un album qui me toutes les chansons me plaisent. Voilà, ben, c'est Amen Dune, celui que je t'ai envoyé. Je sais pas si t'as choisi du coup un morceau. Alors on va écouter. Ben, je vous invite à écouter cet album qui est très beau. Qui est fait en plus avec des musiciens, en tout cas au niveau technique, de Godspeed You Black Emperor, Dave Bryant. J'ai regardé ça. Donc, et en fait, qui est visiblement quelqu'un qui normalement fait des albums assez rapidement et qui là, j'ai regardé, a pris son temps justement et avec des collaborations pour faire ça. Et tout est beau. J'aime tout dans cet album. Y compris la pochette qui est sublime. Et donc vous allez savoir pourquoi j'ai pas pris ça, c'est qu'a priori on risque de passer, je l'espère si on a le temps, le morceau que t'as choisi et qui est évidemment un morceau très long, tu l'as choisi. Voilà, c'était juste pour t'embêter. J'ai choisi Olé de Coltrane, qui est je sais pas comment que dire de ce morceau que j'ai dû écouter un milliard de fois. Qui est un morceau que j'écoute depuis que mon père me l'a fait découvrir. 18 minutes avec mon pote Thomas, qui est un pote commun avec Simon Roby. Je me souviens que en fin de soirée, on le mettait toujours à 4 heures du matin et on connaissait toutes les notes donc on chantait pendant 18 minutes Olé de Coltrane, ce qui était terrible pour les gens qui étaient à côté de nous. Mais ouais, non, c'est un morceau qui me fait complètement, qui me met en transe. Voilà. C'est une drogue. Ça me fait complètement briller quand je rentre dans ce morceau. Très beau morceau. On se pose la question, beaucoup se posent la question. Évidemment, il venait de terminer Sketches of Spain. Enfin, Miles Davis, il a évidemment, Coltrane a travaillé pour Miles Davis aussi. Donc, toute cette influence espagnole qu'on peut avoir à un moment donné. Très intéressant parce que c'est le dernier album qu'il a fait pour Columbia, qu'il a donné à Columbia. Et je crois que le nom autre grand saxophoniste dont j'oublie évidemment le nom maintenant, Eric Dolphy, a été changé parce qu'il ne pouvait pas être sous contrat, évidemment. Et très bel album de face, donc c'est un morceau absolument dessus. Incroyable en effet de 18 minutes. Pour terminer, on a fini, merci pour le questionnaire. Tu vois, il est fait ce questionnaire qui a été si difficile. Beaucoup angoissé pendant... On va terminer avec les deux dernières choses. À un moment donné, la distribution avec donc Luce Grosjean, Safe Film, et tu rentres dans le je sais plus comment on appelle ça, ça devient financier, j'y connais rien, dans le truc financier, capital. Le capital, merci. Ça, c'est genre il perd. Ouais, moi, le capital, c'est. Donc, tu rentres dans le capital de ces films qui devient Miu Distribution. Et on va parler en dernière chose de la galerie, de la distribution. Pour toi, c'est une évidence, production, fallait aussi te lancer dans. Pas du tout. Non, ouais. Pas du tout. C'était vraiment. Alors là, on parlait de rencontres, c'est exactement la même chose. D'accord. On s'est rencontrés avec Luce. Alors, on avait une envie, nous, de travailler nos films et de les travailler le mieux possible. Donc, quand je parle de travailler, c'est un festival. Forcément, on fait des films, on a envie qu'ils soient vus. Et c'est vrai que, je sais pas si c'est par rapport au film qu'on produit, mais ça a été très compliqué pendant longtemps de diffuser nos films. Je me souviens d'avoir dit ça à Paul Driessen quand il a voulu qu'on fasse le film ensemble. Je lui ai dit, mais attention, tu sais que nous, on gagne aucun prix, hein, donc ça sera... Je voulais bien que les choses soient claires. Bon, on commence à gagner des prix maintenant, donc ça... Oui, mais, etc. Ouais, mais à une époque, oui, on faisait des films qui étaient plutôt reconnus, mais même Maman, hein, Maman, c'est beaucoup de festivals et c'est deux mentions spéciales. C'est la rencontre avec Luce. Rencontre avec Luce et une envie commune elle avait envie de quitter la production et moi j'aimais beaucoup les films qu'elle avait en prod. Elle avait envie de trouver quelqu'un qui puisse l'accompagner dans son travail de distribution. On a eu cette idée ensemble avec Pierre et Luce et on est parti dans cette aventure commune et on est ravis. Alors pour finir, on reviendra à ça parce que c'est important. C'est la galerie, la réflexion sur d'un seul coup exposée loin de ce que fait Art Ludique qui on a espéré à un moment donné pouvait travailler plus d'animation, travail d'animation, mais Pixar, les grosses choses d'un seul coup travailler plus des auteurs. On va avoir des auteurs maison, mais donc Manet est bienvenu bien sûr, mais Gréco et Buffard, Robert Catani qui est avec toi, Céline Deveau, Virgin Keaton, Michel-Éric Cranotte, Boris Labbé, Marie Larrivé, Sébastien Lodenbach, Florence Millay, Alice Say et Georges Schwitzgebel notamment. Ouais, il y en a trois autres qui sont pas encore. Parce qu'en fait. Ça, c'est sur le site. Hein, ouais, mais le site est pas. En fait, le site est en ligne, mais il est. Cécile est en train là de compléter le site. Comme le programmeur est parti en vacances, il est publié mais n'y allait pas. D'accord. il est complètement en friche encore. Okay. Mais oui, il en manque quelques-uns, notamment Simone et Massy. Donc on peut le dire, ça sera la on première. Peut le dire, ça sera la première. On va l'annoncer officiellement mardi dans notre newsletter, mais tu vois, je te donne l'exclu. Donc pas le Simone et Massy en plus par rapport. Oui, tout à fait. C'est le travail autour du travail de Simone et Massy, des séquences animées de la route de Samoni qui sortira le 7 et le vernissage sera le même jour que la sortie. Voilà, donc le 7, sauf que tout le monde n'est pas invité au vernissage, donc faut pas que je dise ça. Désolé. Non, alors l'expo commence le 8. Et donc il y aura plein de choses, on peut déjà regarder sur le site, il y a des prix, ça ira de moins de 200 euros à plus de 2000. Hein, Florence Mien, encore une fois, on peut avoir des peintures évidemment, on peut avoir des croquis, on peut avoir plein de choses qui vont être complètement différentes, des thématiques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est bien sûr l'idée de, vous allez, et ça a commencé d'ailleurs, vous avez des expos itinérantes, on en a deux pour l'instant, un French Kiss. Voilà, en gros, nature sur naturel. Voilà, deux idées dans cette galerie. La première, c'est ce qu'on appelle le in situ, donc la galerie qui est sous notre studio à Bastille, quatre expos par an, mais dédiées à la vente, c'est une galerie d'art, donc dédiée à la vente. Ça peut être autant du matériel plastique qui a servi à la création d'une œuvre animée, type décor ou feuille d'anime, mais le travail purement plastique du réalisateur à travers, par exemple, les peintures de Marie Larrivée ou de Florence Mihail ou d'autres. Et donc ça, c'est le in situ. Et après, on voulait développer on n'est pas du tout les inventeurs du concept, mais on voulait développer des expositions plus thématiques, itinérantes, à destination des festivals, des lieux culturels, médiathèques, centres d'art, et qui sont des expositions qui se louent. On a tout est marqué sur le site. Voilà. Tout est marqué sur le site. Le tarif de location n'est pas encore en ligne. Voilà. Tarif de location. Tout est en ligne. Je peux vous dire. Voilà. Chaque semaine supplémentaire. Les dimensions. Enfin, etc., etc. Tout est mis. On peut même acheter en ligne. Parce que c'est Internet, c'est le 21e siècle. On va annoncer des nouveaux auteurs très prochainement, ouais. Toujours dans la même idée d'avoir des auteurs prestigieux, mais aussi de la jeune garde, parce que voilà. On peut dire qu'ils s'occupent évidemment de cette galerie. Bien sûr, quelle honte. Qui viendra ici en parler, c'est pour ça. C'est Cécile Noesser, qui est notre associée, qui s'occupe. Qui est aussi une chercheuse, hein, quand je dis l'ancienne de l'AFCA, elle était étudiante, chercheuse, ancienne de l'AFCA. Ouais. Donc, c'est elle qui va chercher un peu les auteurs, toi tu vous en parlais. Tiens. C'est un travail qu'on fait commun. Elle s'occupe de toute la partie opérationnelle et sur les auteurs, oui, je m'en mêle un peu. Non, c'est pas que j'ai mon mot à dire, que ça fait partie du plaisir. Moi, ça fait 6 ans que j'avais envie de monter cette galerie. On le fait enfin et je suis tout excité. Mais c'est un rêve pour moi, voilà. Et il reviendra forcément parce qu'en plus, il y a un autre anglais. Oui, il y a marqué. On se doutait bien où est-ce qu'il va s'arrêter, à part peut-être. J'aurais dû me douter que tu serais allé sur le site. Il y a un onglet édition. Oui. Qui apparaît aussi. Donc voilà. Donc c'est dans la volonté aussi. Celui-là, par exemple, il va disparaître en début de semaine prochaine. Donc d'accord. Voilà. Merci. Voilà, un jour. Okay. C'est un projet, oui, forcément. Alors ça, la première étape simple, ça sera une édition liée à la galerie, c'est-à-dire catalogue d'expo, voilà. Mais puis après, derrière, peut-être des envies autres, mais chaque chose en son temps. Merci infiniment. Mais Emmanuel, de rien, pour infiniment. Ça, Isabelle Vanini, merci beaucoup d'être là. Je suis très ravi, évidemment, de t'avoir ici. Est-ce qu'on peut dire des petites choses, et est-ce qu'on peut... Des petites choses sur quoi? Puisque tu viens nous parler de tout l'anime, et tu viens nous parler peut-être un peu du carrefour de l'anime. Est-ce que on peut, notre invité, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire? Est-ce qu'il va participer ou pas encore? Je te trouve bien renseigné. Tu peux peut-être l'annoncer toi-même. C'est toi qui me l'as dit. Donc. Oui, effectivement, dans le carrefour du cinéma d'animation. Comme ça, c'est comme ça, les gens évidemment qui écoutent peuvent savoir où ils peuvent peut-être voir des films de Miyu. Voilà, du 12 au 16 décembre prochain. Nous avons pour la première fois donc décidé de faire un focus sur un producteur qui nous intéresse, qu'on a envie de suivre, qu'on trouve particulièrement dynamique, inventif sur tous les fronts. Et comme par hasard, on a choisi Miyu. Voilà. Donc il sera là le 13 décembre, je peux même vous donner l'heure, à 20h. Il nous a préparé... J'ai le temps là encore. En tous les cas, il m'a envoyé un pré-programme plutôt alléchant avec. J'ai plus bossé pour le Carrefour. Je t'ai pas lâché. C'est ça. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup. Bon à week-end toi. À Merse, donc. Parce que tu nous l'as annoncé tout à l'heure. Voilà. Et puis. Ma femme me le dit. Et il y aura des films dans la compète court-métrage pro. Mais c'est pas annoncé ça encore. Non. Ça, tu vas nous dire ce que tu veux dire. Merci beaucoup, donc, Emmanuel. Merci infiniment.